Nouvelle chronique, je trouvais que ça fait qu'on parlait pas assez de la Légion majeure du Québec. Évidemment, on parle des Saguenayens le mardi, mais étant donné qu'on est sur Internet, ben, on peut capter à peu près toutes les. Tout le monde peut nous capter. Je trouvais que je parlais pas assez de la Légion majeure du Québec. Et là maintenant, ben, les séries commencent et on s'est trouvé un nouveau collaborateur, c'est Yves Bolduc, qui a été longtemps impliqué dans la Ligue de hockey Légion majeure du Québec, qui va être avec nous durant les séries. Salut Yves! Salut l'ami! Yves, d'abord, si on parlait d'abord des dans un premier temps des séries éliminatoires cette année, et on va commencer parce qu'il y a quand même un gros portrait à faire, là. Il y a huit séries en première ronde. On va commencer avec la série qui nous intéresse le plus ici. On est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, évidemment. C'est les Saguenay contre les Titans d'Acadie-Batteux. J'en ai parlé avec Jonathan Hudon. Mais comment tu vois cette série-là, toi? Ben, c'est une série qui fera pas de surprise en tant que telle, dans le sens où les cartes sont dévoilées des deux côtés. Le Titan d'Acadie-Batteux, depuis le début de la saison, a ouvertement dit qu'il voulait y aller pour le championnat. Ils ont pris les moyens lors de la dernière période de transaction. Du côté des Saguenayens, la même chose. Yannick Jean s'est pas caché. Il a fait des transactions importantes pour resetter, parce qu'on n'aime pas le terme reconstruction dans le milieu du hockey. Donc, resetter sa formation avec beaucoup de choix. Et probablement des joueurs qui vont s'ajouter en échange de ces choix-là lors de la séance de sélection de la Ligue junior majeure du Québec en juin. Alors, il n'y a pas vraiment de surprise. Là, il y a 35 points d'écart qui séparent les Saguenayens et le Titan d'Acadie-Batteux dans une série qui va se jouer deux matchs à Batteux, deux à Chicoutimi et ensuite 1-1-1, contrairement aux traditionnelles séries qui impliquent les formations du Québec et les formations des Maritimes où on joue 2-3-2. Là, dans cette série-là, ce ne sera pas ça. Alors, ça sera les grandes retrouvailles aussi de Olivier Galipeau et de German Rupstoff qui s'alignent maintenant avec le Titan d'Acadie-Batteux, c'est qu'ils ont passé une partie de leur carrière avec les Saguenayens. Galipeau, c'est certain qu'il a solidifié et amplifié la forteresse défensive du Titan d'Acadie-Batteux en compagnie de Noah Dobson et de Adam Allwell. Chez les Sags, ben, il y a Kevin Klimas qui sera la bougie d'allumage de l'offensive. Lui qui a connu une saison au-delà des attentes, malgré que comme joueur de 20 ans, il avait quand même un rôle important à jouer, mais il a eu vraiment une bonne saison avec 87 points. Puis ça, c'est 37 points de mieux que le deuxième marqueur chez les Saguenayens. Là. Ouais. Donc, ça va être assez important de regarder l'impact qu'il pourrait avoir là, si jamais il y avait une possibilité de surprise, mais en vérité, là, j'y crois pas vraiment. Depuis l'addition du gardien Evans Fitzpatrick avec le Titan, là, le Titan a une fiche de 17 victoires et 4 défaites. Donc, le Titan devrait l'emporter en 5 matchs. Fitzpatrick, qui avait connu des hauts et des bas avec Sherbrooke, va bien, là, par exemple, depuis. Puis le Titan d'Acadie-Batteux a bien fini avec 9 victoires, aucune défaite. Là. Donc, ça aussi, c'est non négligeable. Dans l'autre série qui nous maintenant. Halifax contre Bécomo. Ben, dans la série Halifax-Bécomo, on a un écart de 28 points. Les deux équipes, là, on s'attendait à une période de développement. On parle pas de reconstruction non plus, mais on s'attendait à une étape supérieure à ce qu'on appelle normalement la reconstruction. Cependant, ça n'a pas très bien été pour le Drakkar de Bécomo de Martin Bernard. Une saison décevante. Chanceux de faire les séries éliminatoires, là, chanceux de faire partie de la division où les Cataractes de Shawinigan ont eu de grosses difficultés tout au cours de la saison. De l'autre côté, les Mooseheads ont surpris malgré leur jeunesse en réussissant à prendre le quatrième rang du classement général, entre autres avec Philippe Zadina, Lavoie, McIsaac, Groux. Donc ça, c'est des joueurs qui ont pris le leadership malgré leur jeune âge. Puis ça a permis à Halifax de bien performer. Écoute, ils ont perdu le championnat de la division des Maritimes là, au dernier match de la saison régulière au profit du Titan d'Acadie-Batteux. Alors, Halifax, là, ils ont 7 marqueurs de 20 buts. Donc, ça, c'est deux trios complets qui peuvent marquer 20 buts chacun. Et devant le filet, là, ils ont connu un petit peu de difficulté en fin de saison là, avec leurs deux gardiens. Par contre, je pense que ça va se replacer en série éliminatoire, mais en fin de saison, là, on a pu remarquer qu'ils ont donné là 15 buts, entre autres dans deux matchs différents contre les Tigres de Victoriaville et les Voltigeurs de Drummondville. Donc, ça sera à surveiller également parce qu'on sait qu'ils ont un jeune gardien, entre autres, là, en Alexis Gravel. Donc, Malheureusement, là, en raison de la mauvaise saison du Drakkar de Bécomo, on va donner l'avantage à Halifax en 5. OK. La série que tu vas suivre, parce que tu demeures à Victoriaville, et je pense que tu as un lien de parenté avec Maxime Comtois. Gatineau contre Victoriaville. On dit que les Tigres forment la meilleure équipe depuis la fin de la période des limites des transactions, puis on a plusieurs trios bien balancés. Ouais, je vais juste corriger, j'habite à Longueuil, mais effectivement, Maxime Comtois est mon filleul, mais sans parti pris dans cette série-là, ça devrait pas être très difficile non plus pour les Tigres de Victoriaville, qui, comme tu l'as dit, là, est probablement la meilleure formation de la Ligue depuis la période de transaction, entre autres depuis l'ajout de Vitali Abramov. Mais aussi, là, il faut que je lève mon chapeau au directeur général Kevin Cloutier, là, qui a aussi été chercher deux bons bonhommes en défensive, Dominique Cormier et Mathieu Charlebois, qui ont permis d'enlever un peu de pression à des gars qui étaient là et qui devaient subir la pression que cette année, c'était le tout pour le tout à Victoriaville. Alors, c'est sûr que le gros trio, offensivement, là, le trio de Vitali Abramov, Igor Kozurankov et Maxime Comtois, c'est eux qui s'approprient de 90 à 95 des points actuellement. Les autres trios contribuent aussi à leur façon, mais le gros trio, là, c'est vraiment... je pense qu'ils ont plus de 130 points au cours des 30 derniers matchs. Donc ça, c'est certain que c'est quelque chose qui est remarquable dans leur équipe. Et juste vous donner une idée de l'impact de Vitali Abramov lorsqu'il s'est présenté à Victoriaville en début décembre. Les Tigres étaient 14e au classement général. Ils ont terminé 6e. Et ça, c'était parce que là, la saison se terminait, là, mais ils ont terminé avec 11 victoires consécutives. Et c'était une vraie machine. Là, à part le 11e et dernier match de la saison où ils ont marqué seulement 3 buts, là, les 10 auparavant, ils ont marqué 5 buts et plus dans tous ces matchs-là. Donc, c'est sûr que les Tigres sont favoris dans cette confrontation-là. Du côté de Gatineau, ça va être très dur de se remettre là, des pertes d'Abramov, de Mitchell Balmus, de Mathieu Bellemare, de Will Thompson, de Mathieu Charlebois. Mais les Olympiques, là, ils ont un aura, Danny, puis c'est difficile. Là, ceux qui suivent le hockey junior majeur là, savent que aller à Hall, là, c'est compliqué. Puis c'est dur de jouer là, c'est un amphithéâtre mythique. Qui est presque mythique. Intimidant. Qui est aussi vieux que le centre Vézina, mais qui est très intimidant. Puis juste te donner une idée, là, ils ont jamais perdu deux fois consécutives en première ronde depuis 1991-92. Ben, donc, ça fait 26 ans. Donc, les Olympiques, c'est plus du tout la même équipe, pareil, mais il y a eu une époque où c'était avec, surtout quand Charlie Henry était là, c'était vraiment une équipe qui était très compétitive, là. T'sais, année après année, c'était compétitif. C'est moins le cas maintenant, mais quand même, tu sais, Robert Guertin, on dit que c'est mythique. C'est vraiment ça. Dans l'autre. Effectivement, c'est mythique. Puis ils n'ont pas seulement formé des joueurs de hockey, là, ils ont formé également des entraîneurs. Là. Pat Burns, Alain Vigneault, Claude Julien, c'est tous des entraîneurs qui proviennent de cette organisation-là. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a un certain aura. Là. Quand on parle des fantômes du forum, là, ben à Gatineau, c'est la même chose. Mais peu importe, là, cette année, je pense que ça va mettre fin à cette séquence-là. Les Tigres devraient l'apporter ensemble. OK. Maintenant, on va y aller avec l'autre série. Une autre série qui est intéressante, c'est l'Armada de Blainville-Beaubriand contre les Foreurs de Val-d'Or. Hier, ça a passé proche hier du côté de Val-d'Or de causer une première surprise, non? 62 points d'écart. Puis hier, je te dirais que l'Armada semblait une formation qui pour eux, c'était déjà accompli, même s'il n'y avait pas un match de jouer. Tandis que les Foreurs, ils ont travaillé. Ils ont travaillé mal, parce qu'ils ont quand même accordé 46 lancés, mais ils ont quand même travaillé, puis c'est la preuve que lorsque tu travailles, tu peux réussir à avoir un résultat, même si tu travailles mal. Je veux dire, tu peux pas être parfait. C'est une équipe qui est véritablement diminuée par rapport à la force offensive de l'Armada de Blainville-Beaubriand. Mais hier, le jeune gardien Mathieu Marquis, qui a débuté la saison dans le Junior 3A avec les Flames de Gatineau, qui a été rappelé au fait par les Foreurs, c'est un véritable mur. Là. Il a stoppé 43 des 46 tirs de l'Armada. Et si ça avait été du but, du deuxième but d'Alexandre Alain à 4-20 de la prolongation, là, les Foreurs avaient encore des chances. Ils ont frappé deux poteaux en prolongation, dont une barre horizontale. Ils pensaient qu'ils l'avaient, mais peu importe, même s'ils avaient gagné hier, je pense pas que ça aurait changé grand-chose au niveau de l'issue de la série. Là. Les Foreurs, c'est une équipe qui, eux, se cachent pas, là. Ils sont en reconstruction. Ils ont perdu leurs 13 derniers matchs avec celui d'hier, 14. Ils ont donné 95 buts ils ont compté 95 buts de moins que Blainville dans la saison, 118 accordés de plus que l'Armada. Donc ça, c'est des statistiques qui mentent pas. C'est une équipe qui cherche, puis là, ben ils participent aux séries, puis malheureusement, la formule fait qu'ils affrontent les meilleurs au classement général. Donc, même avec ce qui est arrivé hier, là, l'Armada devrait l'emporter en quatre. OK. Maintenant, Cap-Breton contre les voitures de Drummondville et Joe Veleno. Joe Veleno, qui depuis qu'il est arrivé à Drummondville, qui vraiment, là, il répond aux attentes de ce qu'on avait dit. C'est un joueur exceptionnel. Depuis qu'il est arrivé, il décevait. Par contre, depuis qu'il est à Drummondville avec Dominique Duchamp, semble avoir retrouvé vraiment ses repères. Oui, ouais, par contre, moi j'ai un bémol au niveau du terme exceptionnel là, qu'on a donné à l'âge de 15 ans. Là. C'est un joueur qui aurait dû évoluer midget 3 l'an dernier, ouais. Puis arriver cette année dans la Ligue junior majeure du Québec, mais pas l'an dernier, mais il y a deux ans. Là. Cette année, c'est sûr qu'il y a eu un mauvais début de saison. Il jouait avec une équipe qui était complètement vidée, là, les Sea Dogs de Saint-John, qui ont d'ailleurs terminé au dernier rang. Et il se ramasse avec une formation qui est beaucoup plus équilibrée, mieux dirigée également, avec Dominique Ducharme. Alors, c'est sûr que lui, ça a été un apport important là, lors de la période de transaction. Il y a quand même 20 points de différence entre les Screaming Eagles et les Voltigeurs. Les Screaming Eagles qui ont eu beaucoup de difficultés devant le filet cette année, malgré deux bons jeunes gardiens qu'on appelait des espoirs en début de saison, là, Kyle Jessamine et Kevin Mandelosi, mais les problèmes qu'ils ont connus là, ont fait que le Cap-Breton a connu beaucoup de difficultés tout au cours de la saison. Drummondville, ben c'est une équipe qui n'était pas prévue d'être là parce que c'est une formation jeune. Pour eux, c'est l'an prochain, mais là, ça arrive un peu plus tôt que prévu. Alors, c'est certain que Dominique Charme ne mettra pas les freins lors des séries éliminatoires. C'est eux qui ont gagné le trophée Luc Robitaille qui est remis à la meilleure attaque du circuit. Oui. Là. Alors, puis ça, là, ils ont gagné ça lors du dernier match de la saison régulière. Ils ont marqué 57 buts dans leurs 11 derniers matchs pour devancer l'Armada de Blainville-Beaubriand à ce niveau-là. Donc, c'est une défensive. Ils ont également une défensive très équilibrée là, avec le jeune Nicolas Baudin. Un excellent gardien de but, le Chicoutimien Olivier Rodrigue, le fils de Sylvain, qui a gardé des filets avec les Saguenayens. Alors, ça va être une série qui va aller assez rapidement quand même. Moi, je prévois Drummondville en 5. Là, mais peut-être que les Voltigeurs pourraient en échapper un autre, là, mais normalement en 5, ça devrait être consumé pour les Voltigeurs. OK. L'autre série maintenant, c'est Alexis Lafrenière contre Maxime Pelletier. L'Océanique de Rimouski contre les Wildcats de Moncton. Ouais, ça va être une série intéressante à surveiller pour les records. Ouais. Parce que je vais y aller tout de suite avec ma prédiction, ça va être Rimouski en 5. Il y avait un écart de 31 points entre les deux équipes, là, mais toute une saison pour les jeunes de l'Océanique. Ça, c'était une autre équipe qui n'était pas supposée être là cette année. Là. Serge Beausoleil a fait un bon job aussi. Beausoleil a fait un très, très bon travail. Je pense que c'est le candidat pour le poste d'entraîneur-chef de l'année dans la Ligue junior majeure du Québec. Le directeur général, moi, je donne mon vote à Kevin Cloutier, des Tigres de Victoriaville, mais à Rimouski, là, c'est une équipe qu'on pensait voir au quatrième rang dans la division de l'Est, puis ils ont remporté le championnat devant les Tigres de Victoriaville, donc qui, eux, là, y allaient all-in. Alors, faudra vérifier, surveiller plutôt le jeune Alexis Lafrenière, qui a marqué 42 buts à sa première saison à 16 ans. Puis ça, Danny, le 42 buts, là, c'est mieux que Mario Lemieux. Et Crosby. Oui, mieux que Mario Lafrenière et Crosby. Là. Puis déjà, c'est impressionnant. C'est Mais Crosby, là, c'est dans l'état moderne. Mais Mario Lemieux, là, c'est des saisons de 200 points. Là. Puis il a terminé avec 42 buts. Donc, mieux que Mario Lemieux dans le temps. La statistique qu'il faudra vérifier également, c'est que Sidney Crosby, à 16 ans, avec l'Océanique, avait réussi 16 points au total dans les séries. Moi, je pense que Lafrenière peut même l'atteindre dès la première ronde, 16 points. Donc, ça, c'est définitivement. Et L'autre joueur qu'il faudra surveiller, c'est le gardien de but de l'Océanique qui a connu toute une saison également. À mon avis, là, il y a deux candidats pour le titre de recrue de l'année, même si on parle beaucoup de Philippe Zadina à Halifax. C'est Alexis Lafrenière et le gardien de but Colton Ellis. À sa première saison dans la Ligue junior majeure du Québec, 33 victoires, c'est le meneur dans la Ligue. Ouais. Donc, du côté des Wildcats, il faudra également regarder Jacob Pelletier, qui a eu une bonne saison comme recrue avec 61 points à 60 parties. Mais les Wildcats, malheureusement, ils sont partis très fort. Ils avaient une fiche de 11-6 au mois de novembre, là, en début novembre, puis ils ont terminé la saison avec 16 victoires et 35 défaites. Ils ont connu des difficultés. Par contre, c'est une année de transition pour eux. Alors, Rimouski en 5. OK. L'autre série, c'est Gilles Bouchard, qui est natif de Normandin, qui va affronter le Phoenix de Sherbrooke. Le Phoenix de Sherbrooke qui a bien fini l'année. Ça va être, on dit que ça va être probablement la série la plus serrée. D'accord avec ça? Ah oui, définitivement, ça va être la série la plus serrée. Moi, j'y vais avec Rouyn Noranda en 7. OK. Et il y avait seulement 7 points de 9 points d'écart entre les deux. Une très, très bonne série à surveiller. Des Huskies de Gilles Bouchard expérimentés qui vont affronter des Phoenix de Sherbrooke qui, eux, là, ils ont le mandat de remporter une première série dans leur histoire parce que ça n'a jamais arrivé. Non. Alors, ils vont tout faire pour le faire cette année. Ils ont terminé très fort avec une fiche de 9-1. Rouyn Noranda, ça a été un petit peu plus difficile en fin de saison, mais on oublie ça parce que, à mon avis, ils comptent dans leur rang, là, le deuxième meilleur gardien de but de la Ligue, en Samuel Harvey. Il connaît toute une saison. Une saison extraordinaire compte tenu de l'équipe qu'il avait devant lui, malgré qu'il y avait de bons éléments, mais c'était pas la même équipe qu'il y a eu au cours des deux dernières années. Et du côté de Sherbrooke, ben, la transition semble s'être faite lorsque Luke Green est revenu au jeu. Green a manqué les 52 premiers matchs de la saison régulière, puis lorsqu'il est arrivé, cette formation-là a été complètement transformée. Donc, je donne l'avantage aux Huskies, mais c'est un mince avantage, là, en fait. Là. Ça va jouer, d'après moi, selon ce que je pense, là, en raison de Samuel Harvey. OK. Et la dernière série, de notre collaborateur Marc Fortier qui est impliqué, c'est les Highlanders de Charlottetown contre les Remparts de Québec. Les Remparts qui ont fini, qui ont le momentum. Comment tu vois ça? Bien, Ça va ressembler un peu à la série précédente entre Rouyn Noranda et Sherbrooke. Là, il y avait un écart seulement de 5 points entre les deux. Il y a eu un important échange entre les deux équipes là, durant la période des fêtes. Mathieu Grouchy et Grégor McDonald qui sont passés des Highlanders au Rempart en échange de Derek Gentile. Puis ça, ben, on dirait que ça a transformé un peu les deux équipes. Les Highlanders, c'est une formation qui n'était pas supposée être là. On les voyait éliminés, ne participant pas aux séries éliminatoires. Ils ont créé la surprise en réussissant à se positionner 9e au classement général. Ça a d'ailleurs donné une prolongation de contrat de 4 ans au directeur général et entraîneur-chef Jim Holton. Alors, ça va être très intéressant de voir ce que les Highlanders vont faire contre les Remparts de Québec. Une formation, les Remparts, qui a terminé mieux que ce qui était là, lors de la période d'échange. Ça a pris un petit peu de temps à rôder, mais finalement, je pense qu'ils ont trouvé leur rythme de croisière. Devant le filet, ça va être un bon duel également entre Matthew Welsh et Antoine Samuel que les Remparts ont acquis du Drakkar de Bécomo à la période de transaction. Et ce qu'il faudra voir aussi, c'est la solidité des Remparts parce qu'ils n'ont pas gagné une série à leurs deux dernières saisons. Alors, est-ce qu'ils vont réussir cette année à reprendre le chemin de la victoire en série? Ce serait intéressant de le voir, mais moi, je les mets favoris en 6. OK. Donc, un gros merci. On s'en reparle très, très prochainement, Yves. Très, très intéressant. Puis on s'en reparle vendredi prochain pour faire un peu le bilan de tout ça. En espérant que les Saguenayens ne soient pas nécessairement éliminés déjà. Quoi que ça, je pense que ça va être en 4 ou en 5. Ça devrait, mais quand même, là, il faut rester positif dans le cas des Saguenayens. Beaucoup de bons choix. Puis, ouais. Ce qu'on entend là, à travers les branches, c'est que ces choix-là vont aussi se transférer en d'importants joueurs d'impact. Donc, les jours vont être meilleurs pour les Saguenayens. Pour les amateurs de hockey qui s'intéressent, là, ce soir, à TVA Sports, on présente le match entre les Remparts de Québec et les Highlanders de Charlottetown. Et pour ceux qui sont abonnés à Vidéotron, sur MaTV, ce sera la série entre les Olympiques de Gatineau et les Tigres de Victoriaville. Ben, merci beaucoup. On s'en parle très, très prochainement, vendredi prochain. Merci, Danny. Nouveau collaborateur Yves Bolduc, qui fait un très bon tour des séries éliminatoires dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.